Chapitre 7e. Ce qui reste de Balzac, c'est qu'à travers une foule d'incartades et de disparates, il a eu un grand souci de la vérité et a été, un peu sans le savoir et un peu sans le vouloir, le restaurateur du réalisme en France. Le bon et le mauvais réalisme, et le vrai et le faux, il a fondé tout cela un peu au hasard, mais il l'a fondé, et il est incontestable qu'il en était temps. Il a dû son grand succès plus à ce qu'il y avait de mauvais dans cette nouveauté qu'à ce qu'elle contenait d'excellent. Nous pouvons avouer devant les étrangers, parce qu'ils ne sont pas sans le savoir, que nous ne sommes pas nombreux en France à aimer le réalisme vrai. La peinture sans passion et sans système de l'homme surpris dans tout le détail compliqué et minutieux de sa vie morale. Mais nous avons un penchant honteux pour la littérature brutale. Nous aimons les violences, les audaces et les crudités dans nos écrivains, parce que nous sommes les plus doux des hommes, et nous nous plaisons à lire des histoires de passions furieuses et épouvantables, parce que nous avons des passions légères. Nos auteurs, qui nous connaissent, exploitent ce travers à leur profit. Mais il est juste d'ajouter que nous ne faisons aux écrivains qui usent de cette adresse que des succès très peu durables. Si celui de Balzac s'est prolongé davantage, et peut-être considéré comme définitif, c'est qu'il a des parties de réaliste sérieux, consciencieux et profond, et qu'il est le premier, devant la littérature romanesque triomphante, qui ait donné quelques traits vigoureux de cet art nouveau ou renouvelé. Son influence a été très grande, sans parler de ses imitateurs directs, comme Charles de Bernard, comme l'illustre Flaubert, il ne faut pas se dissimuler qu'il a comme tempéré George Sand et a été pour quelque chose dans sa rupture avec la littérature de pure imagination et dans son retour au simple et au naturel, qui n'était d'ailleurs qu'un retour à elle-même. Je crois fort que ni le théâtre d'Augier, ni celui de Dumas fils n'existeraient, tels qu'ils sont du moins, si Balzac n'eût pas existé, et sans doute c'est quelque chose d'avoir arraché la scène française à l'influence du théâtre tout conventionnel de Scribe. Toute la littérature réaliste contemporaine tient quelque chose ou de ses qualités ou de ses défauts. Cette littérature elle-même semble sur son déclin. Les derniers venus dans les lettres françaises n'aiment plus guère ni Balzac ni même ses héritiers. Il ne faut ni s'en étonner ni s'en effrayer. Le réalisme chez nous n'est guère qu'un repos et une trêve, une convalescence de l'imagination, après les grands transports et les grandes fièvres. Nos jeunes hommes de lettres cherchent des voies nouvelles par où les énergies de la faculté créatrice pourront se donner carrière. La poésie symbolique, le mystère des mythes les attirent. Gardons-nous de les décourager, mais qu'ils n'oublient pas, car sans doute ils le savent, que toute poésie prend au moins le point d'appui de son essor dans une profonde connaissance de l'homme et que le réalisme, bien entendu, est le soutien solide et ferme où l'imagination doit s'appuyer avant de partir et pour mieux partir. Ainsi s'achève Balzac, études littéraires, par Émile Faguet.